directement de vos oreilles. Le poste écoute est maintenant ouvert. Bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois. En même temps, vous, je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine pendant 3 heures, c'est ce qu'on fait, on déballe des CD pour les entendre. Pour la première fois, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Aujourd'hui, on a beaucoup de francophones. Par contre, ça je le sais, on a des artistes tels que Neuron avec Jaune Planète, Albert de Paname avec ses magnifiques, le nouvel album de Thomas Fersen, Trois Petits Tours. Mais on commence avec Metagruo, une formation dont j'ai entendu parler assez souvent et c'est assez fou. Leur maxi s'appelle Tibia Souvignon et on s'en va entendre les trois pièces de ce maxi, Flaming Spatula, Super Ball et la pièce titre, c'est par elle qu'on va commencer. Voici tout de suite Tibia Souvignon dans le poste d'écoute à CIFU 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Poste d'écoute. De Meta Gruo avec leur maxi Tibia Souvignon. On a entendu la pièce pour commencer Tibia Souvignon. Ensuite, c'était Super Ball. Et la troisième pièce qu'on vient d'entendre, c'était Flaming Spatula. Meta Gruo, c'est Julien Bakvis, Julien Mikalak et Mélissa Dimena. Vous allez pouvoir visiter le site de l'émission au www.unechance.com pour en savoir plus sur eux. Hein? Pourquoi pas? On va continuer avec un groupe canadien. On va passer du francophone à l'anglophone un petit peu pendant toute l'émission. Hein? Parce qu'on aime ça, faire changement, varier les choses. Le prochain album, c'est celui de Actor Factor. Il s'appelle We Are Romantic. Et tout de suite, voici la pièce All the Ways We're Living. Dans le Pause d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. À C'est Fou, 89.1 FM. Avec Jeff Factor avec la pièce All the Ways We're Living de son nouvel album We Are Romantic dans le poste d'écoute. Avant de continuer avec d'autres pièces de Hector Factor, je crois que c'est mon devoir de vous parler un petit peu de Metagruo qu'on écoutait juste avant. J'ai trouvé quelques informations là-dessus et ça vaut la peine d'en parler parce que c'était très bon. Metagruo lançait un disque de trois titres, intitulé Tibia Souvignon au début du mois d'août. Lancé en guise d'avant-goût de leur album en cours d'enregistrement, le disque a été entièrement autoproduit de l'enregistrement à la diffusion en passant par la pochette sérigraphiée. La pièce principale se trouve ainsi accompagnée de deux pièces instrumentales offrant un aperçu des différentes formes que peut prendre leur post-punk électro-sludge atypique. Une version vinyle sera aussi disponible prochainement. Donc, Metagruo a vu le jour en 2006, alors que Julien Bacvis, qui est aussi batteur de la formation Jacques Mar, une de mes formations préférées à vie. Donc, il lançait Metagruo Crab Salad EP en 2006. C'est un mini-album autoproduit de ses propres compositions. Appelé à se produire en spectacle, il recrutait ensuite deux nouveaux membres pour son projet, autrement voué à rester sur ordinateur. C'est ainsi que se sont joints Mélissa Dimena au clavier et Julien Michalak à la guitare et au synthé, également guitariste au sein de Jacques Mar. Donc, c'est pas mal... un projet accompagnateur de Jacques Mar, donc je vais sûrement adorer ça à la prochaine écoute au moins. Les trois membres ont ainsi repris les compositions de Bacvis et les ont adaptées pour la scène, se produisant régulièrement au fil de 2006 et 2007. Fort de nouvelles pièces créées en groupe, l'album auquel participe à l'enregistrement Thomas Augustin de Malajube et de Jacques Mar aussi, devrait ainsi s'avérer un mélange d'anciens et de nouveaux, visant un équilibre entre l'expérimentation électronique en studio et l'énergie crue du groupe sur scène. Aucune date, par contre, n'est prévue pour la sortie de l'album. Ça, c'était leur document de presse. Ils nous disent qu'ils vont être en spectacle à Montréal le 18 octobre au Divan Orange avec Half-Baked, Opopo et Phil Console dans le cadre du festival Sperm et Bubblegum. Ils vont être à Sherbrooke le 27 novembre au Téléphone Rouge avec Pedro Pedro, un groupe qu'on aime faire jouer assez fou, et Digit Missile Command. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/Metagruo. Metagruo. Voilà donc pour eux. Leur maxi s'appelle Tibia Sauvignon. Voilà pour cette parenthèse sur le groupe qu'on entendait avant ce qu'on était en train d'entendre il y a quelques minutes. Hein? C'est un petit mélangeant, mais quand même. On va continuer avec du Hector Factor. C'est canadien. L'album s'appelle toujours We Are Romantic. On va entendre deux autres pièces. Il va y avoir Driving Music, mais on commence par Comfort Song. Ça commence tout de suite. Dans le poste d'écoute, tout on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Bask in the comfort song. Background part, watching a movie on TV, then it enters a shadow on the wall, a flickering outline of a tree. With dancing lights distracting slowly out to pasture, grazing off familiar pastimes. We don't confuse our love with need. I've got a cowboy walk. I ride my horse until it drops. Love hasn't eased these wandering parts. Break me in. All of these trees, they are diseased. Retour une autre pièce de Actor Factory. On découvre Albert de Paname dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. Factory avec la pièce Driving Music de l'album We Are Romantic. C'était précédé de Comfort Song et de All the Ways We're Living dans le poste d'écoute. Factory qui est un artiste alternatif indie pop de Edmonton en Alberta. Allez voir le myspace.com/actorfactor. Vous allez apprendre plein de choses, dont le fait que le band est composé de de Greg Amundsen, Dave Farrell et Adam Stark. C'est, ça dit dans sa biographie que c'est, ça réunit le talent formidable et les habiletés de Lane Arndt, Cynthia Wiggle, Martin Cluppers, Bob Tilsley et plusieurs autres. Ça a été, en fait, c'est le travail de plusieurs années. C'est ce qu'il dit, donc c'est le point culminant de tout le travail qu'ils ont mis là-dessus. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que ça fait très très calme, très comme beaucoup d'ambiance, beaucoup d'humeur là-dedans, de différences d'humeur. J'aime beaucoup ça. Ça fait penser à plein de choses, j'adore ça. Actor Factor avec We Are Romantic, c'est le nom de l'album. Allez voir lunechance.com pour le lien si ça vous intéresse. On retourne aux francophones parce qu'on fait un zigzag entre le franco et l'anglo aujourd'hui. Il y a beaucoup de franco, étrangement. Le prochain album, c'est celui de Albert de Paname. Il s'appelle C'est magnifique. Et tout de suite, voici la pièce titre. Ah, c'est magnifique. Dans une émission tout à fait magnifique, elle aussi. C'est le poste d'écoute. Ah, c'est fou 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. When love comes in and takes you for a spin. Oh la la la. C'est magnifique. When every night, your loved one holds you tight. Oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragique. But when once more he whispers, je t'adore. Oh la la la, c'est magnifique. Bonjour monsieur, bureau de la princesse, permis de Clermont-Tonnerre. Mademoiselle de Clermont-Tonnerre me charge de vous transmettre une invitation pour le dimanche 11 mars à 17h en l'église Saint-Pierre de Montmartre. Un peu à la dernière minute, ne me excusons. Il y aura ensuite un dîner au Moulin de la Galette, 83 rue de Pic. Oh là là là, c'est magnifique. Tragique. But when once more he whispers, je t'adore. Oh la la la, c'est magnifique. Le poste d'écoute. Cet été. Moi j'ai été à Tahiti. Ah bon? Si t'as été à Tahiti, c'est-il que tu as été à pied? J'ai pris ma moto, je l'ai mis sur mon dos et je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon vélo, j'ai dit va faire chaud et je suis parti pour Tahiti. Je te crois pas. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en moto, hein? Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en vélo, non. J'ai pris mon dada, vas-y mon petit gars, et je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon boa, l'ai mis sous mon bras, et je suis parti pour Tahiti. Enfin c'est n'importe quoi ça. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en dada. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en bois. J'ai pris mon cerceau, j'ai mis mon chapeau et je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon bateau, je l'ai mis sur l'eau, et je suis parti pour Tahiti. Tahiti, Tahiti. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller en cerceau. Si t'as été à Tahiti, t'as pu y aller qu'en bateau, ouais. T'as pu y aller qu'en bateau. T'as pu y aller qu'en bateau. Qu'en bateau, qu'en bateau, qu'en bateau, qu'en bateau. Qu'en bateau. C'est fou dans vos oreilles. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je deviens petit garçon. Alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir. Maman, maman, je préfère à mes jeux fous. Maman, maman, demeurer sur tes genoux. Maudit, entendre tes refrains charmants. Maman, maman, maman, maman. Papa, papa, en faisant cette chanson. Papa, papa, je redeviens petit garçon. Et je t'entends sous l'orage, user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, papa, papa, papa. Maman, papa, en faisant cette chanson. Maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, soudain je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer. Au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Albert de Palam avec la pièce Maman Papa, précédée de Si t'as été à Tahiti. On a débuté avec C'est magnifique et la pièce titre de son nouvel album à Albert de Palam. J'aime bien cette petite musique style enfantine. J'aime vraiment ça, moi. Donc, chanson française, bossa nova pop. Il vient de l'Île-de-France, en France. Vous pouvez aller voir son MySpace, au myspace.com/Albert de Palam, E-N-E-M, ou encore le PSCHENT.com. Difficile à retenir, mais allez voir lunechance.com si les adresses vous échappent. Moustachu, un vrai canaille, moustache, pardon, un vrai canaille, sombrero, Spencer espagnol et regard tendre, Albert de Palam, véritable figure emblématique de la nuit, peut se vanter d'avoir fait danser plusieurs générations. De ses débuts en 1965 au Tabou, en passant par le mythique Balajo et le Café de Paris à Londres, Albert joue avec adresse le mélange et le métissage des genres. C'est sa biographie qui continue pendant des paragraphes et des paragraphes sur son MySpace. Allez-y tout de suite. Moi, je vous laisse l'adresse du site internet du poste d'écoute. C'est le www.unechance.com. Tout est là-dessus. Il n'y a pas à retenir d'autres affaires que ça. Il nous reste encore beaucoup de francophones pour cette émission du poste d'écoute. Je vous mentionne quelques noms. Thomas Fersen, plus tard, il y a aussi Neuron. On va entendre Asselin, le nouvel album de la Menor Idea. Tout ça plus tard, on va aussi avoir de l'anglophone et c'est justement de l'anglophone qu'on s'en va entendre. C'est l'album de la formation Age of Days. Il s'appelle Hollywood Ending et tout de suite, voici Afflicted. Parce qu'on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois sans savoir ce qui s'en vient dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. C'est la radio Corpus de Trois-Rivières, c'est fou.ca. Too good. Back to me. c'est fou dans vos oreilles. Avec la pièce Believe, précédée de Change Everything et de Afflicted, les trois premières pièces de leur nouvel album Hollywood Ending, Age of Days, qui est un groupe rock du Nouveau-Brunswick. Allez voir le myspace.com/ Age of Days, D-A-Z-E, ou encore leur site web ageofdays.com. Ça nous dit que c'est un groupe... Ah oui, ça c'était vraiment drôle sur leur biographie, ça dit... on ne peut pas s'empêcher de se demander comment ça se fait qu'ils ont réussi à mettre 8 singles sur un seul album. Là, je cite, là, je veux dire, soyons honnêtes, de nos jours, t'es chanceux si tu peux télécharger un CD avec 2 singles dessus, mais là, 8, impossible! Et ils disent ça d'un ton tout à fait sérieux sur leur MySpace, c'est drôle. Tim Morrison, Jamie Norad, John Price, Matt McLaughlin et Pat Pelletier sont dans le band Age of Days. Là, le CD s'appelle encore une fois Hollywood Ending. Si le site vous échappe, allez voir le www.unechance.com. Dans la deuxième heure, il va y avoir la musique de Asselin. Il va y avoir aussi Neuron. Il va y avoir Gunther avec Nuclear Stallions et Thomas Fersen avec son nouvel album 3 Petits Tours. Mais pour l'instant, on se quitte. Les gens qui écoutent en direct le vendredi vont entendre les nouvelles de Radio-Canada. Les autres vont entendre en primeur un album de jazz. C'est Vocabulary, Ken Aldcroft, Solo Guitar Improvisations. On va entendre les pièces Let's Go et Sterling Road Blues. Ça, c'est pour les gens qui sont assez chanceux pour entendre notre rediffusion. Entre autres, les samedis, allez voir le cif.ca pour l'horaire complet. Nous, ben, on se quitte et on se retrouve tout à l'heure. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.fm. Alors, du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure de l'émission, il va y avoir beaucoup de bonne musique, comme toujours, parce qu'on découvre les choses qu'on connaît pas, je dirais. On a reçu beaucoup de francophones cette semaine pour faire changement. On va entendre du Neuron et du Asselin dans cette deuxième heure. On va aussi entendre un disque anglophone qui est Gunther avec Nuclear Stallions. Mais on commence avec le nouvel album de Thomas Fersen. Il s'appelle Trois petits tours et tout de suite, voici la pièce Germaine dans le poste d'écoute. Parce que vous aimez découvrir des choses, les oreilles grandes ouvertes. Avec, comment on appelle ça, un truc que tu mets dans quelque chose, c'est comme un cylindre avec un... Elle est carrée et de marron, je la ferme avec mon ceinturon. La poignée n'est pas d'origine, ma valise, elle est née en Chine. Ma valise, elle s'appelle Germaine, moi les objets, je les baptise. Allons où le destin nous mène, Germaine, allons à notre guise. Toi tu voyages dans le filet, à côté d'une cage à poulet. Il te regarde dans les yeux, le poulet tant d'amour m'émeut. Poste frontière, on me siffle. Le chien du douanier te renifle. Il ressemble un peu à Milou. Il cherche la boulette de Schmilou. Et moi, ça m'amuse qu'il te sente. Car Germaine, je te sais innocente. Tu contiens tout ce que j'ai de plus beau. Mes rêves et ma culotte de peau. Ma valise, elle s'appelle Germaine. Moi, les objets, je les baptise. Allons où le destin nous mène, Germaine, allons à notre guise. Mais le chien te prend pour une fleur, il veut te serrer sur son cœur. Il te regarde dans les yeux, le chien est tant d'amour m'émeut. Le marron est-il à la mode? J'ai dû rater un épisode. Germaine, tu as un succès fou. Mais l'amour, ça n'est pas pour nous. Pour nous, le destin, c'est l'exode. Et la nuit, nos yeux s'accommodent. À voir sans autre luminaire que la rotondité lunaire. Nous traverserons le désert, des gares au petit matin gris. Nous prendrons le chemin de fer, on verra. Elle s'appelle Germaine. Moi les objets, je les baptise. Allons où le destin nous mène, Germaine. Allons à notre guise. Dans l'aéroport de New York, j'étais un peu indisposé. Le temps d'aller pisser un boc, ma vieille, on t'a fait exploser. Trois fois dans ta vie de Valbon, Germaine, on t'a prise pour une bombe. Tu me regardes dans les yeux, Germaine, et tant d'amour m'émeut. Ma valise, elle s'appelait Germaine, moi les objets, je les baptise. Allons où le destin nous mène, allons à notre guise. Le poste d'écoute. Bonjour douanier, je suis le barbe. Relève ta hallebarde. Ce petit bagage, ce petit étui, ce n'est pas celui d'un tueur à gages. C'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare. C'est ma guitare porte-clé, c'est ma guitare de poupée. Muselle ton chien de garde, ouvre les yeux et regarde. Au fond de la grotte habite un génie qui sort de la nuit lorsque je le frotte. Le représentant de l'ordre ne veut pas se faire mordre. Il me prend pour un fêlé. Au son du ukulélé, il est saisi d'épouvante, cette bûche est bien vivante. C'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare, c'est ma guitare porte-clé, veux-tu l'essayer? Le douanier n'y prend pas garde, et il se plante une écharde, un éclat de bois dans le petit doigt, ça s'est infecté, hélas il nous a quittés. Me voilà dans les nuages, avec mon petit bagage, il arrive au paradis, et voilà ce qu'il dit. Bonjour douanier, je suis le barde, relève ta hallebarde, cette petite mallette, ce petit étui, ce n'est pas celui d'une mitraillette. C'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare, c'est ma guitare porte-clé, c'est ma guitare de poupée. Quand le monde est trop bouillon, je sors mon petit grillon. Je sors mon ukulélé. C'est fou, fou dans vos oreilles. Cigarette sur l'oreille, et mes grosses lunettes de soleil leur ont mis la puce à l'oreille, alors qu'ils baillaient aux corneilles. Mes chaussures à museau de rat ont chatouillé leur odorat, et comme ils n'avaient rien à fiche, ils ont détaché leur caniche, et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat, il a mangé mes granolas, puis ils m'ont léché les doigts. Ils ont goûté la farine, ils ont goûté l'aspirine, ils ont goûté le savon, mais le savon c'est pas bon. Oh non, y'a des perdreaux dans mes chaussettes, des poulets dans mon bermuda, dans mon masque et dans mon tuba, et sur mon gros radio cassette, ils ont écouté la musique qui provenait de Jamaïque. Ils ont écouté du pop, tout en fouillant ma garde-robe. Et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat, il a mangé mes granolas, et puis il m'a léché les doigts. Ils ont goûté la farine, ils ont goûté l'aspirine, ils ont goûté le savon, mais le savon c'est pas bon. Oh non. Dans mes calcifs, ils sont pourtant inoffensifs, ils ont même l'air un peu gênés, ils pensaient pas s'oxygéner. Ma valise elle est décousue, elle tire une langue de tissu, elle a un gros derrière carré, mais elle n'a rien à déclarer. Et le chien s'est jeté sur moi, il a mangé mon chocolat, il a mangé ma confiture, il m'a léché la figure. Je suis entouré de flics qui cherchent la Jamaïque. La Jamaïque elle est plus là, elle était dans le chocolat. Oh oui. Thomas Fersen avec la pièce Chocolat, précédée de Ukulélé. et de Germaine ici dans le poste d'écoute. Donc, lisons un petit peu sur Thomas Fersen, qui est un auteur, compositeur, interprète français. Fersen est un poète accompli qui se plaît à jouer avec la langue, usant de mots à double sens, de rimes riches, de symboles et d'images tirées du monde végétal, comme les légumes et les fruits, et animal, comme les oiseaux et bestiaires variés, pour raconter des histoires ou fables originales, dépeindre des instants du quotidien, des impressions et sentiments, ou encore les rêves des gens ordinaires, leurs travers et défauts. Sa voix grave et rocailleuse de fumeur donne un ton particulier à ses chansons, au style musical variant selon les albums, comme rock, folk rock ou jazz et blues. C'est sur scène que Thomas embarque son public dans des ambiances totalement extravagantes à son image. Avec son fidèle ami guitariste Pierre Sangra ou encore Alexandre de Barcelona à l'accordéon et au clavier, Christophe Cravero au piano, Thomas surprend à chaque nouveau spectacle. Sa nonchalance surjouée, l'univers de ses textes, ses costumes totalement décalés et sa folie contribuent à créer une ambiance de fête. Merci Wikipédia. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir le site de Thomas Fersen en passant par le site de l'émission au www.unechance.com. Vous allez retrouver tous les liens de tous les artistes et la balade aux diffusions chaque semaine quand j'ai le temps de la mettre. www.unechance.com. Nous, on passe du côté canadien avant de retourner aux francophones avec les deux albums qui nous restent. En fait, il y en a plus que deux à entendre encore, je crois. Enfin, on a Neuron avec Jaune Planète et Asselin avec Vague Idée, Océan à la Nage qui s'en vient un petit peu plus tard, mais avant, c'est Gunther avec Nuclear Stallions. Voici tout de suite la première pièce de cet album. Elle est l'intro. Elle est l'intro, c'est bien dit. Hein? Ce sera suivi de World of Grammar. Dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales reçues à C'est Fou depuis les 7 derniers jours. Ou au moins une bonne partie. Hein? On s'accumule ça depuis le début du mois. Mais bon, on va passer au travail. C'est comme les alcooliques. T'sais. Nous autres, on est alcooliques de CD, de musique. On peut pas arrêter d'en écouter. Gunther avec la pièce Eamon by the Power of Grayskull, précédé de World of Grammar et de l'introduction du disque qui s'appelle Nuclear Stations. Donc Gunther, qui est un groupe de Calgary en Alberta, ils font du alternatif indie rock. Allez voir guntherrock.ca. Je ne l'appellerai pas. Allez voir lunechance.com si l'adresse vous échappe. À la guitare, Colin Mitchell. À la batterie, Scott Moffett. Et à la basse, Scott Monroe. C'est un trio rock instrumental. Moi, j'ai bien aimé le style. Le CD peut être acheté en ligne sur cdbaby.com ou téléchargé sur iTunes. Il y a aussi un lien pour télécharger sur leur site web au guntherrock.ca. Le CD est sorti le 30 août dernier. Voilà. Je vais mettre un petit cœur à côté de ça, moi. Si je me rappelle. Sur lunechance.com, je mets des cœurs à côté de ce que j'aime beaucoup. C'est le fun, hein? C'est un petit système d'intimité entre vous et moi. On continue avec un groupe francophone qui s'appelle Neuron. J'ai lu une partie de leur document de presse jusqu'à maintenant. Il y a une grosse histoire derrière ça. Je vous la raconterai tantôt. Et j'aurai quelques commentaires sur leur dossier de presse à faire aussi. Mais on commence avec la première pièce de leur album, Jaune Planète. C'est l'introduction. Elle s'appelle Galactica. Ce sera suivi de Jaune Planète, la pièce titre de leur album. Et allez voir le neuron.ca si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec le groupe en ce moment. Hein? Neuron. Dans le poste écoute, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou, ça! We'll be right back. Neuron avec la pièce Calcium, précédée de Lobotomie à Robbie, de Jaune Planète, et l'intro Galactica au début, donc ça vient de l'album Jaune Planète de Neuron. C'est bon, un peu hard par moment pour moi, pour être mon style de musique, mais quand même, moi j'ai aimé. Vers la fin du 7e millénaire de l'histoire matriarcale, Neuron est le dernier embryon de la région du lac Saint-Jean combattant pour la défense territoriale, dit leur document de presse. Brûlé par les émotions et caché par un masque d'escrimus, Neuron est le seul à pouvoir respirer la substance jaune fuyant dans le vide de l'espace. Le vaisseau Carabrior, qui entraîne dans son sillage une flotte hétéroclite de plus de 200 bricors habités par les rares survivants des 12 mondes, qui ont été entièrement anéantis par la substance jaune. La substance jaune est une poudre douée de conscience, détruisant et pourchassant toute forme de vie organique. Presque sans espoir de survivre à cette menace, faisant face aux difficultés de ravitaillement en énergie au travers de multiples combats et sacrifices, sous le commandement avisé de Neuron et de ses guerriers Domor, Starfly, Plius et Alexur, le vaisseau Crabrior s'enfonce au plus profond de l'espace, traversant même les trous noirs afin de rejoindre la 13e tribu humaine. Les seigneurs d'Alma seraient emprisonnés dans l'usine d'Alcan sous forme d'embryon électrique où Neuron aurait pris naissance. La formation Neuron, c'est les membres Dominique Potvin à la guitare, clavier et voix, Steve Potvin à la basse et la voix, Pierre Lecôté, guitare et voix, et Alex Brassard à la batterie. C'est dans le style stoner industriel, mentalement dense et urgent, dans la lignée des cours à scrap du lac Saint-Jean. C'est enregistré en 2007, donc quand même il y a un petit bout. Vous pouvez aller voir le neuron.ca, www.neuron.ca, si le style... Et si la formation vous intéresse, donc leur album s'appelle Jaune Planète. J'avais juste un petit commentaire et là, je vais me faire traiter de nom pour avoir dit ça en ondes. Mais quand même, je trouve que si vous envoyez un texte de deux paragraphes, faites vérifier l'orthographe par quelqu'un. Juste pour les fautes. Ou passez-le dans Word avant, si on vous le dit. En tout cas, donc Neuron Jaune Planète, autre que le texte, c'était bon. On va rester dans le francophone parce qu'on a encore beaucoup de... En fait, deux autres albums de francophone. Il nous reste celui de La Ménor Idéa qu'on va garder pour la troisième heure, je crois bien. On va y aller avec l'album de Asselin. Oui, Asselin. Son album s'appelle Vague Idée, Océan à la nage. Est-ce que c'est deux titres? Est-ce que c'est un long titre? Vague Idée, Océan à la nage. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. On va aller l'entendre. Peut-être que ça veut nous dire. On va commencer par la première pièce. Elle s'appelle J'ai tous les défauts. On va écouter ça tout de suite dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Et vous aimez ça? Parce que c'est de la nouveauté. Vous entendez pas ça ailleurs, la nouveauté? On n'a pas à le préciser quand c'est une nouveauté, tu sais. D'autres radios vont dire « C'est une nouveauté, ça! Nouveauté! » Nous, c'est juste ça, du début à la fin. Rien de vieux que du neuf. Je vais vous laisser écouter la pièce. Je vais arrêter de parler. J'ai tous les défauts dans les bords de ma peau. Je m'invente des obstacles. Et je presse mes paupières, crevant les soleils derrière. Je me hante à la tête. Les astuces pour contrer ma personne à l'idée, je dors si peu. En toi, je prends le large et le sac des bagages, je ne voyagerai plus. J'ai connu une femme, une moitié de toi, en Suisse en juillet. Je m'invente, mais tu tombes. tiers d'une seule vie. Et tu sais bien t'y pendre. Toi tu as les formules, les sourires en portions pour des torses inconnues. Je ferai le guet à l'île du calumet. Dis-moi, y viendras-tu? Poste d'écoute. Je m'écris à chaque matin. Déjà les enveloppes me sont adressées. J'ai les dames, la reine, machin. Et la boîte postale est sous mes pieds. Lorsque coule le liqueur dans ton cou sous tes colliers, j'avale, je fume et je reprends. J'ai toujours un verre pour me lancer. Déjà les mots sont installés dans les paumes de tes mains. Reste seulement à les placer. Et lorsque sifflent les grands vents entre les bois de tes portes, j'ouvre tes fenêtres un moment. Je laisse les pièces aérer de la sorte. À chaque matin, dans tes draps, dans mes souliers, laisse-la, laisse, promène le chien, et dans la rivière court se jeter. Il n'y a que moi, je le vois bien, et mes fusibles sous l'escalier. Je n'ai pas de bip, j'ai peu de refrains, j'ai à peine le temps de t'inventer. Mais lorsque vient Marguerite, elle sent les lilas quand c'est étrange. Elle s'installe à plat sur les matelas. Je l'écris et puis je range. Mais lorsque vient Marguerite, elle sent les lilas comme c'est étrange. Elle s'installe à plat sur tes matelas. Je l'écris et puis tu ranges. ça? 89 FM. J'ai des lundis qui me vont bien, comme ces cuisses que tu portes ce soir, ou ces mains et ces petits riens. Sur toi, un revers de la Manche, une musique de chambre, profonde et mal éclairée. Or tu veux bien ma peau, tu veux bien ma peau. Dominique Asselin avec la pièce Dès lundi, précédée de Sans titre et de J'ai tous les défauts. Ça vient de la partie Vague idée de son album Vague idée, Océan à la nage. Donc, il y a deux parties. Vous aurez deviné Vague idée et Océan à la nage. 5 pièces d'un côté, 11 pièces de l'autre, comme sur une cassette ou un vinyle ou quelque chose du genre. Donc, Dominique Asselin, c'est de la chanson française de folk acoustique. Il vient de Québec. L'album est en magasin maintenant. Vague idée, Océan à la nage est une réalisation de Marc Pérus. L'album est en magasin depuis le 9 septembre. Voilà ce que ça dit sur son MySpace au myspace.com/. Dominique Asselin. Il y a aussi un site officiel au dominiqueasselin.com. C'est rempli de belles affaires. Il y a des vidéos, si je comprends bien, et de la musique à entendre sur son MySpace. Voilà. Donc, Vague idée, Océan à la nage de Asselin ou encore Dominique Asselin. C'est selon, comme on dit. On va continuer en musique tout de suite parce que la deuxième heure se termine très bientôt. On va entendre la formation canadienne Winter Gloves. Leur album s'appelle About a Girl. Il est sorti le 9 septembre. C'est un groupe de Montréal. Les voici avec Factories dans le Poste d'écoute au 89.1 FM. Radio Campus. C'est bon, regarde. La formation Winter Gloves avec About a Girl, ça c'est le nom de l'album, et on va entendre la pièce Factories de cet album-là, ici dans le poste d'écoute. C'est déjà la fin de la deuxième heure. Donc Winter Gloves, qui est un groupe de easy listening, c'est ce qu'ils font, de la musique facile à écouter. Ils viennent de Montréal, et d'ailleurs ils vont être en spectacle à Montréal au After Party Pop Montréal le 4 octobre à 22h. Allez voir les dates de spectacle sur le MySpace au myspace.com/WinterGloves. Il y a aussi le WinterGlovesMusic.com. Les membres sont Charles F. Vincent Chalifour. Wow, ça c'était deux noms. Charles F. Vincent Chalifour, Patrick Sayers et Jean-Michel Pigeon. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Je vais vous laisser aller voir lunechance.com si ça vous intéresse et suivez les liens. Nous, on va se quitter avec quelques pièces, justement, de Winter Gloves. On va entendre Let Me Drive dans quelques instants. Les auditeurs de la rediffusion vont entendre d'autres pièces, dont Invisible. Mm-hmm. Les gens qui nous écoutent le vendredi, ça va entendre les nouvelles de Radio-Canada. Donc, restez là pour ça. Il y a une troisième heure. Dans la troisième heure, il va y avoir la musique de La Ménor Idéa avec Dans le même bateau. Il y a aussi AZ The Booth avec Mysterious Body. Et on va sûrement entendre du X's and O's. Je vais essayer d'en passer parce que je trouve ça très, très bon, X's and O's. Donc, restez avec nous. Le poste d'écoute continue en quelques minutes. Et comme je disais, voici Let Me Drive de la formation Winter Gloves. Je vous écoute sur 89.1. Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, il va y avoir Ezra The Booth avec Mysterious Body. On va entendre aussi de l'électronique avec X's and O's. Mais on commence avec le dernier album de francophone qui nous reste cette semaine. Il y en a eu vraiment beaucoup, ça fait vraiment changement. C'est celui de la Ménor Idea. Leur album s'appelle Dans le même bateau et on commence tout de suite avec Sociopathe dans votre poste d'écoute. À la radio Campus de Trois-Rivières, le 89.1 FM, c'est fou ça! Fatigué d'entendre parler de ma sécurité. Fatigué cigare, mais au moins y'a de quoi qui me tient réveillé. C'est l'espoir d'en avoir encore une petite part de ton corps à soir. C'est l'espoir d'en avoir encore une petite part de ton corps. Quelque chose de plus fort que moi. C'est l'espoir d'en avoir encore une petite part de ton corps à soir. C'est l'espoir d'en avoir encore une petite part de ton corps. C'est l'espoir d'en avoir encore une petite part de ton corps à soir. C'est l'espoir d'en avoir encore une petite part de ton corps. Le travail d'une vie, c'est ça. T'as juste à faire la pute, m'accepte pas qu'on te le dise. Sois fort, fais des enfants, ça c'est quelque chose d'édifiant. Amange-toi jamais pour craquer, sois un exemple approprié. N'écoute pas les télopos, mais qui te dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Fais comme les autres, laisse-le parler. Ouais, mais surtout arrête-toi pas pour y penser, sinon c'est là que les choses se cassent, c'est là que ton monde peut s'effondrer. Moi ça fait Joe, au moins 10 ans que j'ai pas broyé, que je canalise mes forces. J'imagine vraiment pas comment tout pourrait s'arrêter. Oui, mais tu l'entends-tu, toi, la rumeur des gens qui jasent, qui disent qu'on en est à la fin du monde. Et puis encore, oui, mais tu la sens-tu, toi, la douleur des gens qui meurent l'autre bord du monde. Que l'hécatombe. Sois fort, pile-toi sur le cœur, parce qu'à toute peine mérite solaire, réserve ta place au cimetière, le repos viendra à son heure. Sois fort, indépendant, il faut que t'aies l'air intelligent, garde-toi de menus surgelés, pour ton esprit prédigéré. Oui, mais surtout, arrête-toi pas pour y penser, sinon c'est là que les choses se cassent, c'est là que ton monde peut s'effondrer. Oui, ça fait Joe, au moins 10 ans que j'ai pas braillé, que je canalise mes forces. J'imagine vraiment pas comment tout pourrait s'arrêter. Oui, mais tu l'entends-tu, toi, la rumeur des gens qui jasent, qui disent qu'on en est à la fin du monde. Et puis encore, oui, mais tu l'entends-tu, toi, la douleur des gens qui meurent au bord du monde. Que les cartons. c'est là que ton monde peut se fonder. Moi, ça fait Joe, moins 10 ans que j'ai pas broyé, que je canalise mes forces. J'imagine vraiment pas comment tout pourrait s'arrêter. Oui, mais tu l'entends-tu, toi, la rumeur des gens qui jasent, qui disent qu'on en est à la fin du monde. Et puis encore, oui, mais tu la sens-tu, toi, la douleur des gens qui meurent au bord du monde. Quelle hécatombe. Oui, mais tu l'entends-tu, toi, la rumeur des gens qui jasent, qui disent qu'on en est à la fin du monde. Et puis encore, oui, mais tu la sens-tu, toi, la douleur des gens qui meurent au bord du monde. Quelle hécatombe. La Ménor Idéale dans le poste d'écoute au 89.1 FM. On vient d'entendre les premières pièces de l'album qui était pas mal bon, cet album-là. J'ai bien aimé ça, La Ménor Idéale. L'album s'appelle Dans le même bateau. On vient d'entendre la pièce Sois fort, précédée de Ton corps et de Sociopathe. Donc, parlons de La Ménor Idéale qui m'accueille sur leur MySpace avec une belle, belle, belle grosse faute qui pourrait pas être plus grosse que ça. C'est écrit Bienvenue sans E sur l'espace de La Ménor Idéale. Mais on va passer par-dessus parce que la musique était bonne, hein. Donc, myspace.com/laménoridea, c'est leur site web. Vous pouvez aussi aller voir le laménor.com, laménor.com. C'est un groupe qui vient de grand-mère Shawinigan, un groupe de rock reggae latino. Il va être en spectacle le 9 octobre à 18h au bar terrasse Le Sacrilège de Québec. Les membres sont J.F. Poirier à la voix, Phil Saint-Onge à la basse, Daniel Lemay à la guitare et accordéon et back vocal, François Gauthier à la guitare et au back vocal et Simon Adam à la batterie. Vous pouvez vous procurer le CD dans le même bateau en envoyant un chèque à l'adresse qui est sur leur MySpace. N'oubliez pas de mentionner votre adresse de retour. Vous pouvez aussi acheter leur CD dans leur spectacle, par exemple au café... dans leur spectacle aussi au Café de la Voûte à Grandma, ainsi que chez le disquaire, entre guillemets, de La Tuque. On sent le sarcasme que probablement que le magasin ne doit pas vraiment apprécier comme commentaire. Mais bon, le disquaire. OK, donc ça fait le tour pour La Ménor Idéale. Leur album, encore une fois, s'appelle Dans le même bateau. On va continuer avec de l'anglophone, la formation EZ Booth, que je mentionne depuis longtemps, depuis le début de l'émission. Ça m'intrigue. Leur pochette est en carton avec des genres de branches d'arbres et des papillons ou des insectes jaunes. C'est bizarre. L'album s'appelle Mysterious Body. Et on va l'entendre tout de suite. La première pièce qui s'appelle Aislinn Buzz Why. C'est seulement un maxi, 5 pièces. Je crois que ça va être bon. Et tantôt, restez là parce qu'on va entendre de l'électronique avec X's and O's. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois. C'est Fou 89 FM. Thank you. poste d'écoute. Formation AZ Booth. Très bon, ça, avec la pièce Ben, précédée de Landscape with Grass et de Aislinn Buzz Y. Ça vient de leur maxi Mysterious Body au 89.1 FM. On va parler un petit peu de AZ Booth, qui est un groupe de Calgary. En Alberta, ils font du visual pop ambiant. Hein? Comme c'est assez précis. On aime ça. Hein? Ils sont en tournée en ce moment un petit peu partout dans le Canada. Je sais qu'ils vont être en spectacle le 29 octobre à 20h à la Casa del Popolo avec des invités. Ça, c'est à Montréal. Ils vont être aussi au Kajibi, à l'Oblique Records, un paquet d'autres places. Allez voir le myspace.com/AZBooth pour plus d'informations. AZBooth, dur à appeler. Allez voir lunechance.com. Hein, le lien est là. Et aussi, AZBooth.com et puis leur MySpace. Les membres sont Chris Reimer, Mark Rimmer, Michael Wallace, Morgan Greenwood et Jordan Hossack. Leur album s'appelle Mysterious Body. On continue avec de l'électronique. Oui, électronique. Pourquoi pas? X's and O's, leur nouvel album qui s'appelle Bedroom Madness. Tout de suite, voici la pièce Madness avec des petits points entre chaque lettre. M-A-D-N-E-S-S dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Et ça ressemble à une intro. Donc, je vous dis tout de suite que la prochaine pièce, c'est High School. We'll be right back.

Le nouvel album de la formation X's and O's. Très bon. Bedroom Madness, on vient d'entendre la pièce. Seems So Elementary, précédé de Little Bird, de Wildfire, de High School. On a débuté avec l'intro qui s'appelle Madness. X's and O's, nouvel album qui est en magasin depuis le début du mois de septembre. C'est de l'indie électronique pop. Vous avez remarqué que sa voix est classée électronique, mais c'est quand même assez pop et accessible. Ils disent « Nous ne sommes pas Alan Oates, mais nous avons les mêmes initiales. » Ils sont en tournée du Canada en ce moment. Ils vont passer par Montréal le 27 septembre à 20h pour lancer leur album au Club Lambie avec World Provider et Camar Romance. Ils vont être aussi à Pop Montréal aux 3 Minots avec Camar Romance, Mia Verco et Postage Stamps le 1er octobre. Allez voir myspace.com/Hexes and Hoes. Pas Hoes, mais plutôt Hoes. Voilà. Ou encore Hexes and Hoes.ca, adresse assez compliquée. Passez par le site de l'émission si ça vous intéresse au www.unechance.com. Les membres sont Heidi Donnelly à la basse, aux électroniques et à la voix, et Edmund Lam à la guitare électronique et voix. Est-ce Lam ou Iam? Peu importe. Donc, je vous rappelle le nom de l'album de X's and O's. Il s'appelle Bedroom Madness. C'est déjà presque la fin. On va entendre une pièce de Laura Barrett. Son album s'appelle Victory Garden et on reviendra avec la conclusion plus tard. Mais pour l'instant, c'est la pièce Wood Between Worlds dans le Buzz Écoute. Au 89.1 FM, on découvre toutes les nouveautés tous ensemble pour la première fois. Hein? Que demander de mieux? Wood Between Worlds de son nouvel album Victory Garden dans le poste d'écoute. C'est sorti. En fait, ça sort le 23 septembre 2008, très bientôt. myspace.com/Laura Barrett, et c'est tout. Laura Barrett qui joue du kalimba, qui fait la voix, et joue du gazou, du piano, bass pedals. Elle vient de Toronto en Ontario, c'est de l'acoustique minimaliste trans, selon elle-même. Influence Kate Bush, Rob Crow, Bjork, Martin Tielli, Eric Satie et plusieurs autres. Je vais vous laisser aller vous renseigner sur le site de l'émission au www.unechance.com parce que nous, ben, c'est la fin de l'émission. On doit se quitter pour une autre grosse semaine devant nous de nouveautés parce qu'on en soit, ça s'arrête plus l'automne. On a une avalanche, tel que les arbres qui perdent leurs feuilles, les CD tombent du ciel. Hein? Hein? C'est pas une belle image, ça? J'aime ça. Mon poste d'art cette semaine, je peux pas vous en faire entendre d'autres pièces parce qu'il y avait juste seulement 3 pièces sur le CD. C'est celui de Meta Gruau qu'on a écouté en début d'émission. L'album ou le maxi s'appelle Tibia Sauvignon. On va terminer l'émission cette semaine avec une autre pièce de Laura Barrett. Elle s'appelle Consumption. Et les gens qui écoutent la rediffusion auront la chance d'entendre d'autres pièces. Spoiler Alert et Chilia. Donc, vous êtes très chanceux. Je vous aime. Je vous retrouve la semaine prochaine, les vendredis matin à partir de 10h. Les rediffusions sont amovibles et bougeables. Mais c'est ainsi. Donc, allez voir le cif.ca pour Fibre Laura. Je vous retrouve aussi à Écoutons la dans la chanson et dans les palmarès. C'est fou. Jusqu'à la semaine prochaine. C'était Mathieu Plante qui est en train de vous dire au revoir. Faites attention à vos genoux et bonne chance. An ounce and a half is a noose at my back. I fold so easily. Textbook case of a margin erased, the constant recording of rubber misplaced. Load my recumbent, I gotta get some mineral water and vitamin cigarettes. Kneeling before the hour, but who? Slowly caressing my hips and tickling the bone. These rivers dried up many moons ago. From waxing and waning and then waxing again. Waste at the back end and many more. Steam fueled economy bends at the pore. Keel over in the storm. Ooh. could be dreaming up a new splash each day of the week. Too bad we pay off your road, pay off your road. Whoa, whoa, whoa, whoa. Samaritan should find this old cookie tin. I'll have you know it was no good at all. 'Cause cousin's alibi and pandemonium allowed a restless mist to settle on to. Whose bristol board walls up but never gets your attention. A clash over evening curfew, or was it alcohol? It seems I can't recall. But come the decision to show. Still we see.